suis le chanteur à la con. Et je dérange l'ordre établi. Je chante à poil sur mon balcon. Et je dégueule sur les conspis. Tous les fascistes me font gerber. Je vomis sur les fils d'Hitler. Je devrais chanter de la variété. J'ai rien à faire dans cette galère. J'ai la fierté d'être un bâtard. J'habite la rue des sans-abri. Le soir je tue tous mes cafards. C'est l'heure du crime, il est minuit. Je dégaine mon flingue sur mon malheur. J'envoie ma con plainte aux étoiles. J'ai l'air d'un con, pas d'un tueur. Sur ma tristesse, je mets un voile. Les politiques, je crache dessus. Tous les partis me font gerber. Je préfère les paradis perdus. C'est l'utopie qui me fait rêver. Moi j'espérais un autre monde. Une grande passion qui vous caresse. Je n'ai pas eu de bonnes ondes. J'ai fait l'amour à ma tristesse. Heureusement y'a le cimetière des cons. C'est là qu'on se retrouve un jour. Je vous invite dans mon salon. On fêtera ce dernier jour. Ave Maria pour les intimes. Et rock'n'roll dans les étoiles. Tu me caleras, arrête ta frime. Je serai debout devant la toile.